matin. Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on va jouer, donc toi tu es agent de l'environnement. Alors c'est quoi un agent de l'environnement? Agent de l'environnement, c'est le nettoyage des rues, des herbages et tout ce truc. Je croyais que c'est toi qui prenais les taxes. Genre, vous voulez polluer? Ben c'est 100 euros. Ah bon, d'accord. Alors vous pouvez polluer, hein, il n'y a pas de problème. Je croyais que c'était ça. Bientôt, on va être assermenté. Alors on va pouvoir mettre des amendes. Parfait, c'est parfait. Surtout quand tu vois des grosses voitures qui fument, qui surfument. Là. Truc de ouf. Bon, Yves, alors attention, toi tu as 38 ans, t'appelles de Liège. À Liège, on y sera tout à l'heure d'ailleurs. Je vous donnerai les adresses pour vous offrir vos packs Plug Mobile dans les. Mediamarkt. Bon, alors, Yves, on va y aller. Une minute, donc, pour taper la discute avec Aline. Bon, bah, profites-en bien, parce qu'elle n'a pas grand-chose à dire, la malheureuse. Mais essaye, en tout cas, hein, si tu arrives à lui faire dire oui, non, ou... qu'est-ce qu'on peut dire aussi ou ce, C-E ou S-E. Eh bien, c'est gagné. Par contre, il ne faut évidemment pas que toi, tu dises ces mots. Donc, ni oui, ni non, ni ce, S-E ou S-E, ou C-E, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, une minute, bonne chance. Yves. Salut. Comment ça va? Hop là! Moi, non, ça va. C'était ce ou c'est autant. Ah, pardon. S-E, c'est autant. Non, mais vous voulez que je perde, quoi, c'est fou? Oui. Bon, Yves, tu es là? Bah, comme toujours. Super. Donc, comment vas-tu? Bon, ça peut aller. On verra bien avec le temps. Tant qu'il fait bon, ça va. D'accord, mais il va faire mauvais aujourd'hui. Non, je ne sais pas. Allez! C'est tout, c'est pas compliqué, hein. Oh là là. Il a dit non, je ne sais pas. Non, non, j'ai dit non. Non, il a dit je sais pas, et c'est elle qui a dit non. Voilà. Tout seul, la famille grande. Oui, c'est vrai. Même pas de piège. Hop, mongolienne jusqu'au bout. Boum. Bon, ben, bravo, Yves. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est gagné, Yves. Bravo à toi. T'as réussi à la faire tomber, comme je le dis, c'est pas très compliqué en même temps. Hein. Oh là là là là, c'est excellent. Ben, ça fait déjà un petit temps que j'en rêvais de la faire tomber. Hein. Mais oui, j'imagine. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est fait, Yves. Et ben voilà, c'est fait. Nous avons réussi à. Voilà, c'est tombé, Alice. Voilà, ouais, qu'est-ce que tu veux. À réaliser ton fantasme, voilà, c'est réalisé que je cherchais. Bon, mais bravo, Yves, tu restes au standard, on prend tes coordonnées, d'accord? Ok, merci. À bientôt, salut, salut, ciao à toi. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Nous allons faire un tour du côté maintenant de la question existentielle. Question existentielle à base de chinois, bien sûr. De chinois, puisque tu t'es posé une question donc existentielle comme évidemment, la tradition. Je me suis demandé si on débridait un chinois, est-ce qu'il irait plus vite? Exactement. Donc on va appeler à MEF pour se renseigner. Hein. Oui. Ça me paraît un bon plan, ça. Tu crois qu'il y a beaucoup de MEF? Écoute, je ne sais pas s'il y a beaucoup de MEF. Allez, c'est parti. On va faire semblant qu'on n'a pas entendu la vanne. C'est dommage. Ah, j'ai entendu. Et on appelle. Sympa. Et on appelle à MEF. C'est parti. Seront-ils déjà réveillés à MEF? Je sais pas. Ah, c'est classe. Allô? Oui, bonjour madame. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Allô? Oui, bonjour madame. Allô? Oui, bonjour madame. Ah, c'est dur. Oui, bonjour. Ah, vous m'entendez? Oh, je vous entends. Ah, bon, ça va, je suis rassuré. Dites-moi, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Monsieur, est-ce que vous avez des lunettes? Non. Mais vous feriez bien. Et regardez l'heure, si ça ne vous dérange pas. Oui, mais pourquoi faire? Écoutez, vous avez vu l'heure qu'il est temps? Vous avez vu ou quoi? Mais non, madame, pourquoi vous me dites ça? Eh bien, quel petit... Bah... Oui, écoutez, allez vers par là aussi et fichez la paix aux gens. Hein. On ne téléphone pas à des heures comme ça. Hop, allez hop, ça c'est fait, c'est pas grave, on va la rappeler. Mais en fait, il y a des moments où elle a l'air d'être mamie, et des moments où elle a pas l'air d'être mamie, c'est bizarre. Donc on va voir, on va quand même vérifier, on rappelle. Avez-vous les lunettes? Mais... Allez, c'est reparti. Allô? Oui, excusez-moi, mais... qu'est-ce que vous voulez? Ben, je voulais vous poser une question. Posez votre question, si je vous répondrai, c'est bien sur le bouquin, alors. Ah, voilà. Donc, en fait, je me demandais, est-ce que si on débride un chinois, vous pensez qu'il peut aller plus vite? Oui, surtout s'il vous engage. Au revoir. C'est quoi le rapport? Oui, peut-être. Mais on va quand même la rappeler pour demander l'explication de la vanne, parce qu'on n'a pas bien compris. Cet humour est trop vieux pour moi. Elle est énorme. Oui, c'est ça, oui. Allez hop, on rappelle. C'est parti. Merde, merde, merde. Oui, excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris votre réponse. Oui, ben moi je vous dis merde, merde de merde. Et je fais direct ça, hein, et je préviens. Pourquoi? Ne me téléphonez plus parce que ça va tourner mal. Et attention, elle prévient. C'est pas qui, mais elle va prévenir. Attention. Bon, allez hop, on la rappelle encore un coup. Mais non, vous, mamie. Mais oui, parce qu'après elle a dit que ça tournait mal. Bah oui. Bon, on rappelle encore un coup, une dernière. Hein. Après, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Voilà. Oui, excusez-moi, vous parliez de tourner à gauche ou de tourner à droite? Ah, non, bah, elle n'a pas trouvé ça drôle. Hein. C'est dommage, c'est la dernière vanne, elle n'a pas trouvé ça drôle. C'est malheureux. C'était ma meilleure. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Fait d'hiver, à Trou, un homme braque un magasin de chapeaux et s'enfuit avec un chapeau, une casquette et une canne. Et oui, visiblement, c'est la crise pour tout le monde, même pour Dr House. La fin de la visite du président mauritanien au Japon s'est très mal passée. Les Japonais ne rigolent pas avec leur gastronomie. Effectivement, le président Macky Sall a été jeté à la poubelle. Mars, nouvelle découverte stupéfiante. Le rover Opportunity vient de découvrir d'étranges formations sphériques, semblables à des myrtilles. Après le sucre, l'eau et les myrtilles, les cosmonautes vont enfin pouvoir faire des muffins. Bah oui. En France, Manuel Valls est réticent à accorder le droit de vote aux étrangers. Une promesse de François Hollande que le ministre de l'Intérieur hésite à mettre en place. Manuel Valls ne sait plus sur quel pied danser. Et pour conclure, si vous aimez la gastro et la côte belge, partez un week-end à la mer du Nord. Oh, ah, c'est bon. Classe. Oui, ça va. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. La ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés sur le 0473-86-0013. On écoute tout de suite le premier message laissé sur la ligne anti-relou. Oui, bah bonsoir, c'est Sandy. Je voulais savoir si c'était toujours OK. Là, je suis partie de chez moi, j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que c'est pas à la fin. Voilà, bah peut-être à tout à l'heure, mais moi je serai au rendez-vous. Eh oui, mais tu seras bien seul au rendez-vous, ouais, malheureusement. Ah là là là là là là. Message suivant. C'est pas sympa. Non. Coucou, bah écoute, je sais pas si tu te souviens de moi, mais moi, oui, très bien. Bah écoute, j'attends que tu m'envoies un message et puis on se rappelle et j'espère que ça sera rapide. Voilà, je te fais des gros bisous. Allez, on chiale. Hein. Ouais, elle ah, elle en oh là là là là, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle. Mickaël à la radio, nouvelle bande, redécouverte Fun Radio. Kat Deluna. Hi, what's up? This is your girl, Kat Deluna. Wanna see you dance.